Alors ce soir, je voudrais vous présenter un magazine alternatif. C'est une petite feuille de chou, comme on pourrait dire. C'est l'âge de faire. Faire, F-A-I-R-E, bien entendu. Ce magazine là mérite d'être découvert parce qu'il y a des tas d'articles intéressants qui sortent de l'ordinaire, puisque bien sûr, c'est un magazine sans publicité. Et donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent se permettre quand même d'aborder certains sujets que d'autres n'aborderaient pas, ou du moins prendraient beaucoup de précautions pour aborder. Michel, voilà, si je peux me permettre, ça me fait penser un peu à l'autre journal que j'aimais bien aussi lire. Je ne sais pas s'il existe encore. Enfin, je trouve qu'il y a un petit goût de l'autre journal dedans. Il y a des tas d'articles intéressants qui dénoncent effectivement des lobbies ou la façon de faire de certains lobbies. On voit par exemple parler d'obsolescence programmée et on arrivera peut-être à la fin de l'impunité, puisqu'on sait très bien que dans les appareils, on met une puce de manière à ce qu'ils soient obsolescents au bout d'un certain temps. Obsolescence C'est-à-dire qu'ils deviennent inutilisables volontairement. Volontairement. Et donc, à partir de ce moment-là, on est obligé de racheter un autre appareil, parce que la plupart du temps, ça ne vaut pas le coup de le faire réparer, puisque justement, c'est un petit peu, en quelque sorte, d'autodestruction par l'appareil. Ce procédé, là, il est quand même... Il devient de plus en plus critiqué, évidemment. Il devient illégal, mais bon, ça se fait encore. On en arrive là. Mais enfin, c'est pas ce qui a retenu le plus mon attention dans cette revue. Parce que j'ai repris une revue de l'âge de fer du mois de février 2018, où il parle des ondes. Parce que, comme bizarrement, les ondes électromagnétiques, on n'en parle plus depuis un certain temps. Il y a quelques années en arrière, on en entendait parler tous les jours, qu'il y avait des électrosensibles, etc. Puis d'un seul coup, ça a disparu. Est-ce que les électrosensibles sont retrouvés la santé ou pas? Est-ce que les ondes électromagnétiques sont moins abondantes dans notre environnement qu'avant? Toujours est-il que je crois qu'on s'y fait à l'usure et qu'on ne fait plus attention. Justement pas. Parce que l'État déjà brouille les pistes. Les preuves... de la dangerosité des ondes en beau s'accumuler, l'État français refuse de considérer réellement la question et freine des quatre fers toute reconnaissance de l'électrosensibilité. Voilà, on en est là, quoi. Il n'y a plus d'électrosensibilité, paraît-il. On ne veut plus reconnaître. Il y a des lobbies économiques énormes derrière ça, qui n'a pas son portable, qui n'a pas la Wi-Fi, etc., etc. Je peux dire une petite plaisanterie? Oui. J'ai regardé un film, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. Dans le film, il y a une vieille dame, enfin une mamie, qui disait à son petit-fils qui avait oublié son téléphone chez elle. Et elle lui dit... Alors, t'as oublié ta prothèse? que c'est un peu une espèce de prothèse, ce téléphone qui nous accompagne partout, qui nous donne l'heure, qui nous fait écouter de la musique. Mais bon, c'est bien aussi. C'est bien, mais est-ce que c'est sans danger pour la santé? Il apparaît que non. Ça serait sans doute très étonnant, parce que les ondes électromagnétiques, il y en a de toutes sortes. Ouais. Mais faut pas oublier, par exemple, faut pas oublier que les ondes, les rayons infrarouges du soleil et les rayons ultraviolets, c'est aussi de l'électromagnétique. Les ondes radars, c'est de l'électromagnétique. Les fours à micro-ondes, c'était des Américains qui faisaient des recherches pour améliorer les capacités des radars. Donc ils travaillaient avec des ondes ultra courtes de radar, et ils se sont aperçus que ces ondes-là, elles produisaient aussi de la chaleur. Bon, c'est pas ce qu'ils cherchaient, mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des fours à micro-ondes. On s'est rendu compte qu'il fallait pas se tenir à moins d'une certaine distance du four à micro-ondes, puis il a fallu mettre des grilles, etc., parce que les fours à micro-ondes étaient hautement nocifs, au moins les premiers. Maintenant, ils sont peut-être moins, encore que, faudrait voir. C'est vrai que l'État, normalement, ça devrait être le gendarme de la sécurité, de la santé des gens, et puis là, en fait, il est le complice des industriels. Ils les laissent faire. Mmh. Voilà, parce que bon, bah, y a tout un lobby économique derrière qui est énorme. C'est des milliards et des milliards d'euros de chiffre d'affaires, et à partir de ce moment-là, on dit rien. Je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance qui naît chez des personnes qui se disent bah oui, moi je ne veux plus subir cette société de lobby, de choses comme ça. Donc, j'enlève mon micro-ondes, je minimise la télé. C'est vrai que... Et j'utilise moins mon portable, par exemple. J'utilise moins mon portable. Oui, parce ça, que ça serait... je vais vous dire une chose. Il y a des personnes, elles doivent en avoir ras-le-bol que leur téléphone sonne tout le temps. Eh oui. Parce que quand ça sonne... Surtout quand on conduit. Bah oui. Puis quand ça sonne toutes les heures, on n'a pas un moment à soi, quoi. Mais des gens qui vous vendent de l'isolation thermique de maison. Oui. J'en suis au 78e appel. Parce qu'avant, je ne les comptais pas. C'est sur le téléphone fixe, là. C'est pas pareil. Oui, sur le fixe. Oui, mais bon, quand même, de toute façon, c'est rasant. Hein. Et 78 comptés, sans compter ceux qui... les premiers que je ne comptais pas. C'est au bout d'un moment que j'ai commencé à compter et puis à leur dire, ah oui, vous êtes 78e personne qui m'appelle pour ça. Il y en a ras-le-bol. Pour, hein. François, pour... Ben pour isoler ma maison, isolation thermique. Ah oui, non, mais ça, hein. C'est alors, il y a une technique à avoir, mais qui risque, il ne faut peut-être pas trop les vanter, hein. C'est d'attendre au moins 3 sonneries. En général, ça raccroche. Parce qu'ils utilisent le réseau téléphonique au moindre coup, et il est sonné 3 sonneries, et si au bout de 3 sonneries, le téléphone s'arrête, c'est que c'est de la pub, la plupart du temps. Ouais, ouais. Voilà. Oui, on est sorti du sujet. Parce que quelqu'un qui veut vraiment téléphoner sur un fixe, bah, il attend au moins le répondeur. Ouais, bah oui. Hein, si bien sûr, il y a un répondeur, il y a des répondeurs automatiques. Oui, alors je voudrais quand même revenir à ces ondes, quand même. Hein. Oui, pourquoi voilà. Pourquoi que l'État brouille les pistes? Aucune des questions posées quant à l'utilisation de téléphones mobiles et l'exposition aux antennes relais et autres technologies émettant des ondes électromagnétiques ne doit rester sans réponse. Alors, ce n'est pas une association de personnes électrosensibles. Devinez qui a dit ça. Alors là... Rosine Bachelot. Roselyne. Cette chère Roselyne a dit ça. Elle n'a pas dit que des conneries, donc. Mais là, on est toute une campagne par rapport aux ondes électromagnétiques. Donc, c'est en avril 2009. Elle annonçait, dans le même temps, le lancement d'une grande étude confiée à l'hôpital Cochin, qui viserait, je cite, à évaluer la pertinence d'un protocole de prise en charge médicale des électrosensibles. Le ministre, et à travers elle l'État, semblait enfin accepter d'ouvrir les yeux sur le dossier des ondes et des risques sanitaires qui vont avec. Un peu plus de 6 mois plus tard, le député Alain Geste, toujours de l'UMP, rendait public son rapport consacré aux incidences éventuelles sur la santé de la téléphonie mobile. Dès les premières pages, il prenait soin d'expliquer que la focalisation de l'attention autour des effets des antennes relais fait malheureusement perdre de vue que le phénomène des champs électromagnétiques n'est pas nouveau, car les sources naturelles de champs électriques sont aussi anciennes que le monde. Oui. Ça, on le savait. Oui, bah oui, bien sûr. Souligné d'ailleurs. Il en est ainsi des champs magnétiques terrestres, du rayonnement solaire et stellaire, de la foudre, des champs électromagnétiques émanant des molécules ou encore des cellules vivantes. Alain Geste reprenait ainsi l'un des arguments favoris des lobbies du sans-fil, des ondes, il y en a toujours eu, et comme peut en témoigner toute personne en capacité de parler, on n'en est pas mort. Oui, mais ça, c'est une façon de botter en touche qui est un peu légère, quand même. En réalité, cette tentative de démonstration de l'innocuité des champs électromagnétiques est grotesque. C'est donc cette revue qui le dit. Notons d'abord que la vie s'est développée en présence de ces champs naturels. S'ils avaient été trop nocifs, humains et autres organismes vivants n'auraient tout simplement pas existé. Et personne n'aurait inventé ni le fil à couper le beurre, ni le téléphone portable. Certaines espèces ont au contraire su tirer profit de ce phénomène. Les dauphins, Michel, peut-être ? Non. Ainsi, les oiseaux migrateurs, par exemple, possèdent des magnétorécepteurs qui leur permettent de s'orienter lors de leur long voyage. Bon, c'est une sorte de petit aimant dans le cerveau, oui. Les dauphins, je ne sais pas. Je pense que les dauphins, ils sont sensibles à... Au champ magnétique terrestre, c'est sûr, oui. Tous les animaux qui font des migrations, disons, bon, ils s'orientent grâce au soleil, bien sûr, peut-être la lune, qui sait, mais également grâce aussi en partie au champ magnétique terrestre. Bien sûr. À l'inverse de ce fameux député, Geste, ou Guest, plutôt Guest, hein, c'est avec un G. Ouais. En 2008, une étude de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand mettait en évidence le stress causé par les ondes type téléphonie mobile sur des pieds de tomates, soumises à des rayonnements artificiels répétés. Enfin, moi, ça ne me gêne pas, je n'aime pas les tomates. Mais enfin, c'était une parenthèse. Michel, ça me convient parce que moi, je n'aime pas la vivisection. Donc, j'aime mieux que ce soit les plantes se sont défendues comme s'ils avaient été blessées ou abîmées par du gel ou une canicule, exposées à des ondes électromagnétiques. C'est ce qu'a observé Gérard Ledoit, responsable de l'équipe de recherche qui a réalisé cette expérience. Car les ondes naturelles sont totalement différentes des ondes artificielles, et plus particulièrement de celles de la téléphonie mobile. Les premières peu puissantes sont continues et non polarisées. Elles émettent donc de façon constante et dans toutes les directions. À l'inverse, les ondes de la téléphonie ou du Wi-Fi sont pulsées, constituées de trains d'ondes totalement irréguliers et sont polarisées, se déplaçant donc dans un seul sens. Ce qui les rendrait dangereuses, enfin nocives. La volonté politique affichée par Roselyne Bachelot n'était donc a priori que de façade. Personne n'a plus jamais entendu parler de l'étude confiée à l'hôpital Cochin. Et l'État continue de freiner des quatre fers toute reconnaissance d'un quelconque risque sanitaire lié aux ondes électromagnétiques. Une étude ridicule, selon Pierre Leruse, le président du CRIREM. Je cite... Ce serait tellement plus simple de reconnaître l'existence du problème et de mettre des mesures en place pour gérer les risques technologiques. Eh bien oui, c'est ça qu'il faudrait faire. Car les études, et avec elles les éléments de preuve, se multiplient. En 2010, l'une d'elles, nommée Interphone, a eu un certain retentissement, confirmant des travaux antérieurs, notamment ceux de l'université d'Örebro en Suède, de plusieurs universités américaines et du rapport Bio-Initiative, cette étude montre des risques de cancer du cerveau accrus de 40% chez les utilisateurs d'un téléphone mobile pendant une durée de 10 ans à raison d'une demi-heure d'utilisation par jour. Alors, il y a à peu près ce que ça donne quand vous voyez des jeunes qui sont tout le temps branchés, comme tu le disais. Une véritable prothèse sur le téléphone. Bon, Michel, si je peux me permettre, je pense que le cerveau humain s'adapte. Parce qu'il y a une masse maintenant que... Tout le monde a un portable, une énorme masse. J'ai un portable, mais il est pas, j'ai pas de ligne. C'est moi qui m'adapte. Mon cerveau, je sais qu'il fonctionne différemment de personnes qui ont leur téléphone et leur cerveau. Les cerveaux s'adaptent à ces choses-là. Regardez, il y a eu la télévision, il y a eu la radio, mais nous, on envoie des ondes. C'est pas pareil. Soyons responsables. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à la radio, si on n'envoie pas d'ondes non plus? Ah, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même multiplication étant citée. C'est justement le trop-plein de ces ondes électromagnétiques qui vont dans un seul sens. Bon, je poursuis, si tu veux bien. Les risques pour la santé de la téléphonie mobile ne sont pas possibles, allégués ou supposés. Ils sont réels et nul ne peut aujourd'hui prétendre les ignorer. Voilà, c'est l'association Robin des Toits qui le dit. En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé classe les ondes électromagnétiques comme peut-être cancérogène pour l'homme. Décision prise sur la base d'un risque accru de gliome, un type de cancer malin du cerveau, associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Dès 1998, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 98. Dès 1998, ouais. J'ai dit, avait observé une cohérence apparente dans des études épidémiologiques laissant entendre que le fait de résider à proximité de lignes de transport d'électricité est associé à un risque apparemment plus élevé de leucémie chez l'enfant. Voilà, en dépit de ces alertes, il faut attendre 2015 pour que le député Laurence Abeille, profitant d'une niche parlementaire, fasse passer une loi qui aborde la question. Cette loi Abeille, bien que très édulcorée par rapport au projet initial, a au moins une portée symbolique, prônant la sobriété électromagnétique. La sobriété électromagnétique. Voilà. C'est peut-être une question de dosage. Interdisant l'utilisation du Wi-Fi dans les crèches. Ah. Oui. Dans les crèches. Quand même. Bah, oui. Établit un lien entre ondes et santé et fait entrer le mot électro-hypersensibilité dans la littérature officielle. Trois mois plus tard, le dictionnaire Larousse suit cette évolution. Électrosensibilité, deux points, ensemble de troubles physiques dus, selon la description des personnes atteintes, à une sensibilité excessive aux ondes et aux champs électromagnétiques ambiants. Pour le reste, ces avancées se font à la marge du pouvoir politique. En juillet 2015, on se rapproche, le tribunal du contentieux de l'incapacité à Toulouse statue en faveur de la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 85%. C'est énorme, hein, c'est quoi, vraiment d'une personne électrosensible. De quoi 85% de... 85% de handicap. De handicap. Le 100% n'existe quasiment pas. Bah, heureusement. Oui. Si, j'ai une personne qui n'a plus, qui a véritablement aucune sensibilité nulle part, qui est gravataire, il peut être pratiquement. Il y a un mathématicien anglais qui est mort il n'y a pas longtemps. Il n'y avait plus que ses yeux qui fonctionnaient. Il arrivait à dicter des textes et écrire des livres comme ça en battant des paupières. Lui, il devait être pas loin du 100% quand même d'incapacité. Hein. Pratiquement. Mais Michel, j'ai pas compris. Physiquement, je veux dire. Mentalement, il était plus 85% de taux de handicap. Hein, sur une échelle 100, voilà, c'est tout. Que te dire d'autre? Sur 10 000 habitants à Miremont, il y en aurait... Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, une personne était reconnue électrosensible avec un handicap de 85%, c'est-à-dire que 80, sa santé était atteinte à 85%. Oui, voilà, c'est déjà énorme. En gros, je peux donner une définition. Oui. Hein, on sait que le tableau est... Que le guide barème des Cotorep, à l'époque, qui est devenu MDPH, a été modifié dans les années 90, je ne sais plus la date exacte. Et avant, il y avait des personnes qui, effectivement, relevaient du 100%. Maintenant, la plupart du temps, on n'attribue plus que 80% aux personnes. Oui. Enfin, le résultat est le même, puisqu'à 80%, vous avez droit, du guide barème, du green barème d'invalidité, vous avez droit à une carte d'invalidité, vous avez droit automatiquement à une allocation d'adulte handicapé si vous relevez bien sûr de l'allocation aux adultes handicapés, etc. Mais Michel, il y a un truc qui m'intrigue, François, c'est intriguant quand même, parce qu'ils ont fait une déclaration en 98. Or, c'est l'année où tout a commencé. Oui, tout à fait. Ça s'est multiplié. Et alors, là, il y a des choses qui s'ajoutent. Il y a des problèmes techniques, des problèmes médicaux et des problèmes d'éthique, je dirais. Au tout début, les téléphones portables, ils émettaient beaucoup. Ils étaient très consommateurs d'énergie, ils émettaient beaucoup, ils étaient peut-être très nocifs. Et après on a peut-être... sur les pacemakers. Oui. Alors, après, on a joué sur la puissance, sur les longueurs d'onde, sur les fréquences, etc., pour les rendre peut-être moins dangereux. Mais ça veut dire quand même qu'il y avait un danger au départ. On a presque... quand même une sorte d'aveu de... On a pratiquement divisé par deux la puissance. Oui. Mais aujourd'hui, on sait qu'il faudrait, pour être vraiment... qui est pratiquement pas de nocivité, il faudra encore diviser par deux la puissance des portables. Mmh. En sachant bien qu'il y a, y a, Il y a des moments privilégiés, on y reviendra, où effectivement on prend le maximum dans des tours magnétiques, c'est-à-dire au moment où le contact s'établit, si on est par exemple dans un véhicule. Voilà. Il n'y a pas que le danger de la route. Dans l'intérieur d'un véhicule, on est dans une bouteille de LED, c'est ça. Oui, c'est ça. On est dans une bouteille de LED, et là, les ondes électromagnétiques sont amplifiées, multipliées par 10, pratiquement. Donc, on ne devrait jamais téléphoner, de toute façon, depuis un véhicule, même à l'arrêt, entre parenthèses. Ah oui, bien sûr. On devrait, et pourtant, pourquoi chacun d'entre nous, on entend le téléphone sonner, puis on décroche le téléphone. La carrosserie de la voiture fait obstacle à la propagation des ondes électromagnétiques. Donc, le téléphone, pour fonctionner, il détecte que les choses ne passent pas, donc il remet de la puissance en plus. Voilà, exactement. Il rajoute de la puissance. On a beaucoup plus d'ondes électromagnétiques. Que ce soit à la réception ou à l'émission. Par contre, on est protégé, par exemple, de la foudre, par exemple, à l'intérieur d'un véhicule. C'est ce qu'on appelle le phénomène de bouteille de LED. Ça serait trop long à expliquer parce qu'il y a déjà 25 minutes et puis là, on a fini d'aborder le sujet. C'est vrai ce que dit François, il y a déjà quand même une forme d'aveu qui... Il y avait une forme d'aveu. Les constructeurs s'en occupent quand même de ce problème-là. Je voudrais revenir sur ce 85% de taux de handicap. C'est donc tribunal du contentieux d'incapacité à Toulouse. Entre parenthèses, ce tribunal devrait disparaître à terme et puis il ne devrait plus avoir qu'un seul tribunal spécialisé sur tous les problèmes de santé et de sécurité sociale. Mais enfin, on n'en est pas là. Et puis de toute façon, ça sera réuni au niveau d'un tribunal de grande instance. Et on peut craindre quand même un encombrement. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc le tribunal, pour rendre son jugement, si ce handicap, c'est-à-dire cette électrosensibilité, ne fait pas partie des données acquises, avérées, de notre système de santé français, il est reconnu par d'autres pays. Voilà. C'est notre médecin expert mandaté par le tribunal. La description des signes cliniques est irréfutable. C'est un expert qui le dit. Quand même. Depuis, les personnes électrosensibles peuvent prétendre à l'allocation adulte handicapé. Alors, moi, je serais un petit peu prudent, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce que s'il y a eu effectivement des recours par rapport à ce jugement. Du tribunal de capacité à Toulouse. Toujours est-il que le jugement de première instance d'un tribunal ne fait pas vraiment jurisprudence. Il faut attendre que la Cour de cassation se prononce ou le Conseil d'État s'il s'agit de juridiction spécialisée. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'une personne électrosensible... Il y aura 10% de la population qui serait électrosensible aujourd'hui. Bien sûr, ça croît sans arrêt. Elle peut bénéficier de l'AAH, mais je veux dire de quel droit ? Je veux dire, une personne qui est électrosensible, elle a qu'à enlever tout ce qui est onde magnétique chez elle. C'est trop tard, une fois que le... C'est facile à dire, ça. C'est facile à dire. On nous a équipés sans nous prévenir que des dangers éventuels, parce qu'il y avait des sommes d'argent très très importante qui était en jeu, parce qu'il y avait toute une partie de l'industrie qui fonctionnait avec qui l'économie de certains pays fonctionnait. Par exemple, la Finlande, au début des téléphones portables, une grande partie des téléphones portables vendus dans le monde étaient fabriqués en Finlande. L'économie finlandaise fonctionnait relativement bien grâce notamment à la fabrication des téléphones portables. Alors évidemment, le gouvernement finlandais, il avait peut-être tendance à passer sous le tapis les inconvénients santé qui arrivaient avec la prospérité économique. C'est encore le cas de l'amiante au Canada aujourd'hui, puisqu'on sait que le Canada est le premier producteur d'amiante au monde. L'amiante n'est pas interdite au Canada. Non, mais elle a été interdite à une certaine époque, et ils ont remis en route des mines d'amiante à ciel ouvert. Moi, j'ai vu un reportage à la télé là-dessus. Il y avait la dame qui étendait son linge sur les fils à linge, et puis une journaliste passe par là, elle lui dit, mais vous n'avez pas peur de l'amiante? Elle dit, si, mais que voulez-vous? On n'y peut rien, si on ne mettait jamais le linge dehors. ils bah, s'achèrent jamais. Oui, oui. C'est sûr que la santé, etc. Puis voilà. C'est alors, sûr que la santé de la population les préoccupe peu. Hein, c'est surtout le fric qui les préoccupe. Et puis on sait très bien que les actionnaires de ces entreprises-là ne sont pas forcément exposés à dangerosité. Ils n'habitent pas le village ni la ville voisine. Ils habitent quelquefois un pays lointain. Hein, donc ils sont pas concernés. Je me pose une question. Médicalement, c'est une question médicale. Vous saurez peut-être pas répondre. Tu saurais peut-être pas, Michel. Mais je me pose une question. C'est que est-ce que l'électrosensibilité, ça ne se guérit pas par habitude? C'est-à-dire non. C'est pire. Non. Parce au contraire, ça empire puisque certains parlaient. S'il y a des statistiques à la matière qui soient vraiment fiables, qu'il y avait 10% de la population qui était électrosensible. Oui. Et certains chercheurs prédisaient que, à l'horizon 2050, il y en aurait 25% de la population qui deviendrait électrosensible. Justement, c'est ce cumul. Oui. C'est ce cumul continuel d'ondes électromagnétiques, même si on n'est pas exposé directement, qui va faire qu'il y aura de plus en plus de personnes qui... C'est l'organisme, au bout d'un moment... C'est un peu toute proportion gardée, un peu le même phénomène qu'avec la radioactivité. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on prend une petite dose de radioactivité quand on va passer une radio, parce qu'on s'est cassé une jambe ou parce qu'on a un problème au poumon, etc. Bon, ben, les conséquences sont anodines, il y a plus de positifs que de négatifs. Mais si on s'amusait... entre guillemets, s'amuser à aller passer une radio tous les trois jours, il est possible qu'au bout d'un moment, il y aurait des conséquences très négatives. Alors, en novembre 2015, la Cour d'appel de Caen confirme pour sa part, là ça commence à faire jurisprudence, le jugement qui opposait en première instance un éleveur de la Manche à l'entreprise RTE. L'agriculteur affirmait que la ligne à très haute tension, alors là on passe à un autre champ magnétique, hein, c'est les lignes à haute tension, et ça c'est archi connu, qui passait dans son champ rendait le lait de ses vaches impropre à la consommation. Les bêtes présentaient en effet un taux de globules blancs trois fois supérieur à la norme. Lorsque la ligne a cessé de fonctionner durant quelques mois, ce taux est redevenu normal. La justice a donné raison, estimant qu'il existait des présomptions graves, précises, fiables et concordantes que les dommages occasionnés dans le fonctionnement de l'exploitation résultaient directement de la proximité de la ligne de très haute tension de 400 000 volts. C'est quoi, ça, on connaît depuis des années et des années la nocivité des lignes à très haute tension. Quand on passe... Là, c'est les lignes électriques. Hein. On change de registre. J'aimerais bien que tu m'expliques, Michel, parce que la dangerosité d'une ligne à haute tension, c'est quoi en fait? Ah ben, c'est le champ électromagnétique qui est produit, mais là il est très mesurable, autant qu'il est très mesurable et les effets sont très mesurables. D'ailleurs, j'ai un ami qui s'appelle Lucien Privet, le docteur Lucien Privet, qui a fait des recherches et qui a fondé une association en particulier, enfin, qui s'occupe de la relation santé-environnement avec la silicose, les gens notamment. Comme André Cicolella en particulier, et qui ont fait pas mal de recherches sur les lignes haute tension. C'est vraiment... Quand on passe en dessous, on entend un grésillement. Bah oui, on entend le grésillement. Preuve qu'il se produit un échange. C'est des champs électromagnétiques. Les fils électriques qu'on voit dans nos rues qui rejoignent la télé. C'est vraiment des gros signaux de tension. Sur les bords de l'autoroute. Là, ça peut aller à 400 000 volts. Étant donné qu'on a, avec les énormes centrales qu'on a fabriquées, en particulier les centrales nucléaires, on a fait des lignes à très haute tension. On les voit, par exemple, qui traversent le massif vosgien du côté du col du Bonhomme, du col du Calvaire. C'est des fils électriques de 3 cm de diamètre quasiment. C'est des fils énormes. Et justement, on entend ce bruit continuellement. Mais comment ça rentre dans le corps? Comment ça atteint quoi? On est tous électricité, on est tous ondes électromagnétiques. Ça interfère avec nos propres ondes électromagnétiques. N'oublions pas que notre cerveau, on mesure l'électricité du cerveau, du cœur, etc. On est tous... Ouais. Alors, le gros problème, c'est cette multiplication des champs électromagnétiques dans notre vie courante. Ça perturbe notre organisme. Voilà. Mais moi, je me rappelle d'avoir lu, il y a déjà pas mal d'années, des articles d'Orsier en Séville sur le sujet. Oui. Et maintenant, il n'y a plus d'articles comme ça. Moi, je soupçonne que les pouvoirs publics se sont mis d'accord dans le monde entier, sans doute, pour faire le silence là-dessus, parce qu'il y aurait trop d'inconvénients sur le plan de l'économie, sur le plan du fric, le plan de l'argent. De toute façon, mais je suis sûr qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites par des biologistes, des médecins, etc. Et qui, et ben, les résultats sont dans un tiroir quelque part. On ne veut pas nous le dire, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de nous dire les choses. Hein, et pourtant, nouveau pas en avant vers la reconnaissance de ce problème sanitaire, l'électrosensibilité, sera-t-il effectué d'ici quelques semaines avec la communication des résultats d'une vaste étude réalisée par le Programme national toxicologique, NTP, État unien. Aucun scientifique, même parmi ceux qui défendent l'industrie du sang en fil depuis des années, n'ose remettre en cause le sérieux de cette agence qui a, de plus, pu s'appuyer sur un important budget pour mener des recherches. Or, les résultats préliminaires publiés en mai 2016 laissaient apparaître une incidence comprise entre 1,1 et 6,6 concernant l'apparition de gliomes ou de tumeurs. Mais voilà, du cerveau, de la tête, chez les rats soumis à des ondes électromagnétiques, alors qu'elle était de zéro chez les rats témoins. Selon nos informations, le résultat définitif, dont la publication doit intervenir début 2018, bon, il y a du retard, confirmerait et même renforcerait les premières observations. Si tel cas, l'État français pourrait-il encore faire mine de ne rien voir ? Ne vous sans doute pas trop en attente d'un président qui se voit un patron de la start-up France et laisse apparaître 2 smartphones sur sa photo officielle. Non, oui. Mais je crois que là, on est complètement intégré dans les lobbies économiques, dans une politique financière. Mais alors, attendez, il y a quand même un souci qui se pose, parce que, bah oui, Sciences et Vie n'en parle pas, les pouvoirs ne font rien, mais on ne peut pas enlever tout ça. Tout le monde s'y est habitué. Ah ben oui, justement, comment voulez-vous on a habitué tout le monde. Alors on va peut-être parce que... On ne peut plus revenir en arrière et il y a des avantages. On ne peut plus revenir en arrière, mais on peut prendre des autres directions. Des autres directions, voilà. Oui, on va voir ça. On peut toujours évoluer. Justement, les précautions à prendre. D'abord, éviter le Wi-Fi dans les écoles. Mmh. Il faudrait l'éviter. Pour des êtres en construction, pour des femmes et des hommes en construction, c'est mauvais le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, c'est encore pire que la téléphonie mobile. Hein, et donc, normalement, dans les écoles, il ne faudrait pas qu'il y ait de Wi-Fi. Il faudrait des branchements directs sur l'ordinateur. Bah, oui. Mmh. Alors, on va s'accorder quand même une pause musicale, parce qu'on a beaucoup discuté. Puis on reviendra aux autres directions, Michel, parce qu'il nous restera à peu près 25 minutes, 25 petites minutes. On va essayer d'être même positif. Même pas 20 minutes, on va parler de se protéger des ondes, les principales mesures de protection. Oui, on va être positif, justement, d'accord. Bah oui. Caroline s'ennuie dans sa chambre d'enfant. Les poussières de la nuit ne brillent pas vraiment. Sa maman lui a dit qu'il est temps qu'elle s'en donne. Caroline s'ennuie, elle a le vague à l'homme. Sur ses cahiers d'école, il y a les soleils orange. De plus en plus petits, de plus en plus étranges. Forêt sous la pluie et des chemins difformes. Caroline s'ennuie, elle a le vague à l'homme. Vague à l'homme, vague à l'homme. Un baiser, une barbe dure, 4 lettres qui résonnent. Vague à l'homme, vague à l'homme. Dans le cœur de Caroline, y a un papa qui cogne. De passage qui viennent de temps en temps n'ont jamais le visage de celui qu'elle attend. Et son cœur fait naufrage, elle n'aime plus personne. Caroline s'ennuie, elle a le vague à l'homme. Vague à l'homme, vague à l'homme. Qui cogne. de câlins qui la regarde à peine. Caroline sait bien que sa maman les aime et qu'elle est si jolie quand elle s'abandonne. Caroline s'ennuie, elle a le vague à l'homme. Vague à l'homme, vague à l'homme. Un baiser, une barbe dure, quatre lettres qui résonnent. Vague à l'homme, vague à l'homme. Dans le cœur de Caroline, il y a un papa qui... Eh bien oui, on reprend l'antenne, et puis d'ailleurs, la discussion était vive en aparté, oui. parce qu'on parlait aussi du tabac. Mais oui. En fait, ça n'a rien à voir, hein, oui. Sinon que j'avais quand blanc même, à l'antenne. Je disais quand même que le tabac est encore bien plus nocif que les ondes électromagnétiques. Ah. Toute proportion gardée, bien entendu, puisqu'on sait très bien que celui qui fume son paquet par jour, je crois que c'est la limite du paquet, il abrège sa vie de 6 ans à peu près. Hein. Ouais. Hein, ça provoque énormément de cancer. Mais là, je crois que les ondes électromagnétiques, il y a quand même deux choses qu'il faut regarder. La première, c'est souvent près de la tête, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas mettre le moins possible portable près de la tête, il faudrait avoir les écouteurs. Hein. Et puis la deuxième chose, près du sexe aussi, parce que ça provoque aussi, ça peut provoquer aussi des stérilités à la longue. Voilà, voilà. Hein, c'est sûr que la tête, ben les cancers, mais c'est valable pour tout l'électromagnétisme provoqué. Hein, on a beaucoup parlé des sèches-cheveux, par exemple. Hein, c'est producteur d'ondes électromagnétiques et donc de risques supplémentaires de tumeurs au cerveau. Voilà, alors à l'école, on va pas beaucoup en parler, malheureusement, parce que c'est ce problème des ondes électromagnétiques qui soulève les patients quand on en entend parler, parce qu'en ce moment, c'est l'étouffoir complet, c'est une noire complète sur ça. Il y a un livre qu'il faut savoir, hein, parler d'école à l'instant. Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran, de Philippe Bioux et Karine Movilly, qui critiquent la numérisation de l'école dans divers aspects. Sanitaire, mais aussi social, pédagogique, écologique et économique. C'est aux éditions Le Seuil, et c'était édité en 2016. Je ne vais pas faire d'autres commentaires là-dessus, parce qu'il nous reste peu de temps, et on voudrait quand même comment se protéger de ces fameuses ondes électromagnétiques. Voilà. Alors, pourquoi la téléphonie mobile est toxique? Les ondes émises par la radiotéléphonie, antennes, relais, téléphone portable, Télé Bluetooth... Non, la télé, c'est différent. Non, parlons de la téléphonie mobile. Hein, oui, on parle. Ouais. Attends, quand on parle de sujet, oui. on peut dévier sur les micro-ondes, on peut dévier sur bien des choses. Désolé. Mais là, c'est direct la téléphonie mobile. Quand tu regardes un écran, t'as pas forcément la même dose d'ondes électromagnétiques. Hein, donc, c'est le résultat de la numérisation qui permet de condenser des informations et d'augmenter le volume des données transmises. Ce mode de transmission numérique a aujourd'hui supplanté l'analogique, qui, à l'inverse, transmettait des données en moindre quantité, mais surtout en continu et au moyen d'ondes qui limitent les ondes naturelles. Ces dernières peuvent traverser les organismes vivants sans intervenir avec leurs fréquences vibratoires, ce qui n'est pas le cas des ondes électromagnétiques issues de la numérisation des données. C'est-à-dire que ça nous traverse continuellement, hein, surtout la Wi-Fi. La cause principale de la toxicité biologique des ondes utilisées par la radiotéléphonie vient du fait qu'elles sont pulsées, c'est-à-dire émises par saccade. Elles peuvent provoquer des effets thermiques sur l'organisme et d'autres interférences non thermiques fait que leur cadencement peut avoisiner celui de nos rythmes biologiques. C'est-à-dire interfère directement sur nos rythmes biologiques, notamment les fréquences de l'activité cérébrale. Ces ondes sont composites résultant d'une superposition de gammes d'ondes, micro-ondes, basse fréquence, multipulsation, chaotique. Alors, les effets biologiques sur l'organisme, les effets thermiques, s'expliquent par le fait que les micro-ondes transportent une grande quantité d'énergie qui, en certaines conditions, agite les molécules d'eau. Le corps est composé d'eau à 70%, entraînant un réchauffement. Les ondes ont également des effets biologiques non thermiques sur les tissus vivants, ce qui cause diverses pathologies. Cette vision ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique, bien que la dangerosité des ondes électromagnétiques soit attestée dans le rapport Bio-Initiative, une compilation d'études émanant de 29 scientifiques internationaux. La principale incidence des ondes électromagnétiques sur le corps humain, étudiée par le professeur Dominique Belpomme, alors il est célèbre, hein, Belpomme, il a étudié surtout les pesticides, surtout, enfin, c'est surtout un spécialiste de cancérologie. On le voit continuellement. Hein, c'est un parce que les ondes électromagnétiques, comme certains pesticides, doivent sans doute agir sur l'ADN aussi. Oui. Ah bah oui, bien d'où sûr. L'effet cancérigène. C'est un oncologue. Moi, je n'affirme rien. Je dis que peut-être. Il y a des chances même. Là, le professeur Belpomme, dont on entend continuellement parler, est un oncologue et président de l'ARTAC, Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Ça se manifeste par l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, sans cerveau. Les ondes de téléphonie mobile diminuent l'étanchéité de cette barrière, dont le rôle est de filtrer le sang, ce qui évite les substances toxiques qu'il charrie. Agents pathogènes, métaux lourds, pénètrent dans le cerveau. Lorsque la barrière devient poreuse, ces substances passent la barrière et causent diverses maladies neurodégénératives. C'est-à-dire que les ondes, non seulement elles ont un effet toxique, mais elles permettent à certains produits dangereux de passer la barrière, la barrière encéphalique. Mais François, tu dis que ça peut modifier... Enfin, l'ADN, est-ce que ça peut se modifier? Normalement, non. Mais si. Ben si, bien sûr. Si, ça peut. La radioactivité... Tout se modifie, la nature. Les petits japonais qui ont été soumis aux effets de la bombe atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, les gens qui travaillent dans le nucléaire... On vient au monde avec un ADN, la police, y retrouve des personnes. Mais la cellule humaine peut être, pénétrée par des tas de facteurs toxiques. Il y a la radioactivité qui est citée par François, mais il y a aussi, par exemple, on a cité le cas des éthers de glycol, des produits chimiques, etc. Ouais, je voudrais quand même revenir sur les principales mesures de protection, parce qu'il nous reste à peine un quart d'heure d'émission. Enfants et femmes enceintes, pas de téléphone portable avant 15 ans. Que dire quand on voit les jeunes dès l'école primaire qui ont déjà leur portable. Les enfants sont plus vulnérables car leur boîte crânienne est plus mince que celle des adultes. Les tissus sont moins épais et leur cerveau est en développement. Plus l'exposition est précoce, plus les doses de rayonnement accumulées sont importantes. Évitez de placer des babyphones, écoute bébé, près de la tête des bébés et de donner des tablettes aux enfants. Première recommandation. Pas de téléphone pour les femmes enceintes pendant la grossesse. Il est officiellement recommandé de ne jamais approcher un téléphone portable du ventre d'une femme enceinte, car l'eau du placenta et les cellules de l'embryon sont très sensibles à l'énergie dégagée par le portable. N'approchez pas non plus le téléphone à moins de 20 cm de tout implant métallique, cardiaque ou autre, afin de limiter le risque d'interférence électromagnétique. On connaît ça avec l'histoire des pacemakers. Puis encore, on a diminué justement la puissance des portables à cause de ça. Attention aux jouets, aux jeux vidéo. Ces bornes Wi-Fi peuvent être incluses dans des jouets sans que cela soit mentionné. Déconnectez le Wi-Fi, relié en filaire et raccordé électriquement à la Terre. C'est-à-dire qu'il faut que les ondes électromagnétiques se barrent par la Terre, quoi, en gros. Alors, en deux, le téléphone portable. Limitez le nombre ou la durée de vos appels. Pas plus de 5 à 6 appels par jour, ni plus de 2 ou 3 minutes chacun. Malheureusement, moi, je suis bien au-delà, n'est-ce pas? Espacez les appels d'une heure et 30 minutes, c'est-à-dire une heure et demie. Éloignez le téléphone de votre oreille tant que la première sonnerie n'a pas retenti. C'est vrai. Oui, parce que c'est au moment de l'appel qu'il y a le plus de puissance qui est émise. Ouais. La conversation elle-même qui est la plus dangereuse. La recherche de connexion nécessite un fort rayonnement. Utilisez le mode haut-parleur ou un kit main libre, afin de le tenir toujours loin du cerveau. Attention, l'oreille réduit l'exposition, mais ne l'annule pas. éviter l'oreillette Blue. Bluetooth. C'est une petite antenne. Évitez de garder sur vous un portable en veille, car il émet en permanence, même faiblement. Ne le portez pas contre le cœur, l'aisselle, la hanche, ni contre les parties génitales. Conservez-le éteint dans la mesure du possible. Ne téléphonez que dans des conditions de réception maximum, 4 barrettes pas moins. Pour chaque barre manquante, le rayonnement émis par le portable pour se connecter est multiplié par 2. N'exposez pas passivement vos enfants et vos voisins à leur insu, notamment en milieu clos. Le portable irradie jusqu'à 1,50 m. Éteignez-le le plus souvent et le plus longtemps possible. Même précaution lorsque vous êtes en public. Éloignez-vous des gens pour téléphoner, ainsi vous limiterez leur exposition. Eh oui. Il n'y a pas que le bruit, il y a aussi les ondes électromagnétiques. Bien sûr, oui. Alors, en voiture, vélo, train, bus, roller, trottinette, ne téléphonez pas dans une voiture, même à l'arrêt. Ou dans toute autre infrastructure métallique. Un effet cage de Faraday. Oui, c'est la cage de Faraday, exactement le terme. Emprisonne les ondes et les répercute. Le rayonnement est maximal au centre de la cage, là où se situe votre tête, si vous êtes en voiture. Si vous devez absolument téléphoner, ouvrez la porte et sortez de la voiture. Ouais. Ne téléphonez pas lors de déplacements en voiture. Dans les transports en commun, en vélo et même à pied, car le portable émet alors plus fortement afin de trouver l'antenne la plus proche. Logique. Logique. Voilà. Alors, à la maison. Et puis, j'en aurais peut-être terminé avec ça, parce qu'il est déjà 50, oui, c'est à peu près. Hein. C'est un dossier énorme, hein, je crois. On a le temps de passer encore une pause musicale? Oui, allez, on passe une pause musicale à vitesse avant de terminer. Et puis, avant la pause musicale, je vais en profiter pour annoncer le concours organisé par Lou, enfin, auquel participe Lou, qui faisait l'émission juste avant nous. Ah, oui. Jean-Paul Politi et le Cœur de Sartène. Polyphonie Corse, ils font un concert à l'abbatiale Saint-Pierre de Remiremont le samedi 21 juillet à 20h45, vente des billets à Remiremont, la tabatière, etc. Lou tient à votre disposition, à les la disposition Capucins de... aussi. Les Capucins, peut-être bien, oui, Capucins. Le Capucin, oui, 87 rue Charles de Gaulle, etc. Lou tient à votre disposition une dizaine de billets à gagner de billets gratuits. Alors téléphonez à la radio. Voilà. Faut pas téléphonez hésiter. À Lou et Lou prendra vos coordonnées et vous aurez un billet gratuit. C'est valable pour les familles corses. C'est magnifique. Ah bah oui, c'est quelque chose quand même. Hein. Ah, c'est quelque chose. Ah bah ça vaut le déplacement. Hein. Et c'est Jean-Paul. Voilà. Et c'est quand les polyphonies? Samedi 21 juillet. Samedi 21 juillet, c'est samedi. C'est bientôt, hein. Bah, samedi qui vient. Il faut se dépêcher. Hein. Oui, il faut se dépêcher, vous. Oui, il faut se dépêcher de téléphoner pour avoir les billets gratuits. Et puis, il faut se dépêcher de s'inscrire pour avoir les billets payants si on n'a pas pu gagner un billet gratuit. Hein, oui. Hein. Ouais. Alors, on se console comme on peut. Alors, un petit peu de musique. Allez, oui, on va. Une chanson. Hein, voilà. Ainsi donc, il n'y aurait plus rien à faire qu'à mettre la clé sous la porte de ce château sombre et désert où gisent nos illusions mortes. Ainsi donc, vite fait serait l'inventaire de ces chambres abandonnées, aux lits recouverts de poussière, aux parquets noirs de sang séché. Et sur les carreaux des fenêtres, on pourrait écrire à la craie, tout demain devra disparaître, des choses que l'on a cru vraies. Dans ce monde à la dérive, pareil aux autres animaux, nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. vouloir circuler, mais circuler donc. Ainsi finirait notre histoire sous le poids des malédictions. Ainsi donc, ainsi donc, faudrait faire amende honorable, raser les murs, courber le dos, se résigner au pitoyable, errer de goulag en ghetto. Tout ne serait que simulacre, toute espérance sans lendemain, rien ne servirait de ce... Et voilà, c'était Jean Ferrat. En passant. Oui, on n'a pas tout passé parce que l'heure fait que voilà. Terminer. Hein, oh. Donc la maison, il est préférable de se passer du Wi-Fi. Hein. Certes, aussi pratique de connecter tous les équipements filaires, La plupart des box ADSL, internet et téléphone, ont le Wi-Fi activé par défaut, que l'ordinateur soit allumé, connecté ou pas, ce qui constitue une source permanente d'émissions d'ondes. Pour désactiver le Wi-Fi, il suffit pour certaines box d'appuyer sur le bouton on-off. Pour d'autres, se référer aux indications mentionnées sur le site de l'association Robin des Toits. Le téléphone sans fil domestique, remplacez-le par des téléphones filaires. Ben oui, parce que finalement, à partir du moment qu'on s'éloigne, il faut plus d'énergie, plus de... etc. etc. Malheureusement, moi j'ai l'habitude de prendre mon téléphone fixe et puis de m'installer sur le canapé, assez loin de la base et puis d'écouter mes messages. Donc ça revient au même. D'écouter mes messages ou de téléphoner. Mais c'est pas sans danger. Hein, ça, on prend une dose d'électro. On peut plus se débarrasser de ces habitudes-là. C'est pas possible. Les antennes. Enfin, les antennes relais, la base est un émetteur qui fonctionne 24h sur 24, avec lequel l'exposition au champ électromagnétique généré peut être supérieure à l'exposition due au téléphone portable. Oui. Mmh. Les plaques de cuisson à induction, alors ça c'est comme diraient des gens de Robin des Toits que j'avais invité, qui faisaient partie de l'association, on leur dit qu'il faudrait pratiquement porter un tablier de plomb par rapport aux plaques à induction. Ça génère des niveaux de champ électromagnétique élevés. Tu crois particulièrement dangereux pour les femmes enceintes et les enfants. Tu crois que ça peut tuer quelqu'un qui a un pacemaker? Non, bien sûr que non, mais là encore, ça crée des perturbations. Ah, les pacemakers, pourquoi pas? Mais on ne sait pas, on ne sait pas trop. Hein, on ne sait pas trop. Ouais. Moi, je sais que je porterai un pacemaker, j'éviterai quand même de me rapprocher auprès des tables d'induction. Mmh. Mais ça, c'est une personne qui... Les fours à micro-ondes sont souvent peu étanches et peuvent générer une forte pollution électromagnétique à proximité. Vérifiez l'étanchéité et tenez-vous à plus de 2,50 m lorsqu'il est en fonctionnement. 2,50 m dans une cuisine qui mesure 3 m sur 3,50 m. C'est difficile. Il y a les meubles. Non, mais tout je pense quand même que les fours électromagnétiques, les fours à micro-ondes, ils ont sont fait quand même des... la plupart étanches quand même. Oui, ils ont bien amélioré les choses, mais les tout premiers, ils étaient dangereux quand même. Hein. Ouais, ils l'ont reconnu rapidement. Oui. Hein. La nuit, ne jamais conserver un téléphone mobile allumé. Mais ce n'est pas facile de les éteindre. On recharge au moins de 55 mètres de votre téléphone. Complètement, c'est-à-dire. Il est préférable de l'éteindre pour limiter son rayonnement et celui de l'antenne relais avec lequel il communique. Mais Michel, il faut les éteindre, mais complètement, c'est-à-dire. Oui, tout à fait. Parce que s'il n'est pas éteint, il continue à émettre parce qu'il est. Il en veille, disons. Bien sûr, et puis il tire sur les antennes relais. Donc c'est pareil. Voilà, l'association Robin des Toits explique sur son site comment mettre à la terre un ordinateur avec connexion filaire et le connecter à la box pour que cette dernière ne soit pas surchargée de champs électromagnétiques et que le téléphone ne devienne pas irradiant. Vous saurez aussi comment utiliser un téléphone filaire dans chaque pièce avec une offre ADSL. Mmh. Ah oui, c'est problématique parce que... C'est quoi l'offre ADSL? C'est la box, pas l'intermédiaire de... C'est la possibilité de se connecter en ADSL. ADSL, je ne sais plus ce que ça signifie, mais enfin, c'est le réseau, quoi. Est-ce que ça peut encore exister, ces anciennes prises de téléphone? Oui, ça existe encore, mais je crois que les opérateurs les suppriment de plus en plus fréquemment. Hein. Mm. Oui, un jour, on va se retrouver avec tout câblé. Par les box, et puis, une chose qui se passe, c'est aussi, c'est que plus il y aura de gens qui vont être connectés sur les lignes ADSL, comme tu dis, etc., et bien plus on aura tendance à mettre des liaisons interurbaines en fil, en optique. Ce qui n'empêche pas des... Là, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. C'est la lumière, c'est plus l'électricité. Oui. Qu'on envoie. Oui, déjà, la transmission est bien meilleure, elle est beaucoup plus rapide, parce que la lumière, elle se déplace à 300 000 km par seconde, alors que l'électricité, c'est 180 000 environ. Hein, donc, il n'y a plus de problème de champ électromagnétique. C'est-à-dire que les problèmes électromagnétiques, ils seront chez les gens et à l'arrivée. Mais entre les deux, c'est de la fibre optique. Voilà. Alors, donc, c'était s'extrait, mais enfin, bon, on peut le trouver ailleurs, hein, ces études qui ont été faites sur les ondes électromagnétiques, c'est une revue qui s'appelle L'âge de fer. Et là, c'était donc un document qui date de février dernier. Hein, c'est bien sûr, il ne parle pas que de ça, mais il y a un gros, gros dossier sur les ondes électromagnétiques. Je crois qu'il est temps qu'on se quitte, ma chère Félicie. Largement. On a abusé de notre temps. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous. Et puis, merci de votre attention. Et à mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.